30 km/h, c'est rien. Sauf qu'une voiture d'une tonne, qui roule à cette vitesse, a emmagasiné une énergie équivalente à 3,5 fois son poids, soit 3,5 tonnes. Un adulte peut s'en tirer. Ses chances de survie sont évaluées à 90% à 30 km/h. Mais un enfant heurté à la même vitesse, par un 4x4 équipé d'un pare-buffle, et un senior de 80 ans. Il faut bien retenir qu'un pare-buffle est à hauteur non pas des jambes, mais de la tête ou de la poitrine, suivant la taille de la personne heurtée. Réponse C.